Ça va les amigos? Ouais. Ouais. Vous savez, moi je suis célibataire. Ah bon? Alors quand je me réveille le matin, je suis seul. Moi j'ai personne avec qui partager mon érection. Alors c'est vrai. Alors pour me sentir moins seul, j'allume la radio. France Inter en général. Ah, ça vaut pas courtoisie, ah, mais je suis corporate. Et en plus, il y a des jours sur Inter, l'invité de la matinale, c'est même pas Daniel Cohn-Bendit. Ça vaut la peine. Hier, comme tous les matins, je mets mon réveil à 6h55. 6h55, c'est la chronique de mon pote Daniel Morin. Ça me fait une compagnie. Bruyante, hein? Ah oui, ça gueule, ah, t'as l'impression d'être à la criée. Vraiment, t'as envie d'acheter une limande, mais ça me fait une compagnie. Et là, 6h55, hier, j'allume la radio, et qu'est-ce que j'entends? Je pense à toi. Mais ça, c'est pas Montmorin, ça! C'est pas Montmorin, qu'est-ce qu'ils lui ont fait à Montmorin? C'est pas sa voix, il a eu cette voix un jour avant mai 68, il avait pas encore cette barbe drue là qui lui sert de garde-manger pour les pinsons. Et ben là! Je suis en panique, je crois à une erreur, et j'entends. Je fais l'amour à une inconnue. Daniel, c'est toi? Sérieux, je t'ai déboussolé. 6h55, une chanson. Donc je zappe sur France Impo, pareil, qu'est-ce que j'entends? France Impo. France Impo, absolument. Avec nos impôts. Je vais sur France Impo et j'entends une chanson. Une chanson sur France Info, la chaîne de l'info. Je me dis, ça y est. On y est, c'est le bug de l'an 2000. Il avait raison, Paco Rabanne. Alors du coup, je fonce sur ce que les jeunes appellent l'Internet World Wide Web en ligne. Mm. Et qu'est-ce que je lis sur le site du Parisien? Les fameuses playlists de Radio France devraient remplacer nombre des émissions habituelles. Et je me dis, les bâtards! Il y a une grève à Radio France et personne ne me dit rien. Vous me dites rien, putain, les gars. Il va falloir arrêter avec la haine des Belges. Hein. C'est terminé. Sérieux, oui, on a mieux joué que vous à la Coupe du Monde, mais on n'est pas vos ennemis. Hein. Putain, les bâtards. Les bâtards du Parisien aussi, d'ailleurs, parce que dans l'expression, les fameuses playlists de Radio France, il y a un de ces petits sous-entendus. Tant attendu et qu'on aime et qu'on préfère au programme. Le fils de tuche. Et un petit sous-entendu. Ça s'est dit en substance que dans cette grande maisonnée, hein, tu vois, de branleurs syndicalo-stalino-vegan, on fait tellement souvent la grève qu'à force, on a des playlists. Hein, à côté des grands noms de la maison, les Domorants, les Salamé, les Trapenard, les De Villers, les Kadour Boudadi, les Philippe Bertrand, les Mathieu Vidard, les Antoine Decaune, les Charline Van Huaker. Vraiment, à côté vraiment de la crème des animateurs, vraiment. Putain, tout ça pour arriver à cette blague. Franchement, après tu t'étonnes que Macron y coupe les vivres. Franchement, forcément, je l'imagine dans le bureau de Civil Veil, une demi-minute de droit d'auteur pour une blague sur Nagui. Oui, monsieur le président, mais bon, Ernesto, vous savez, il a pas une enfance facile. J'en ai rien à foutre, moins 20 millions dans le budget. Et bim, playlist de grève. Et j'étais là hier matin, seul chez moi, je papotais avec mon érection. Et je lui disais, elle est quand même vachement bien cette playlist. Et elle me fait, oui, mais justement, stratégiquement, c'est pas une bonne idée, c'est pas malin. Elle me dit, dans quel sens? Elle me dit, t'es sûr que tu veux vraiment que l'angle de ta chronique soit fournie par une érection? Genre, ils le sauront jamais. Et donc. En fait, elle a raison. Si tu veux démontrer qu'en asphyxiant le service public à terme, on sera incapable de produire une radio de qualité, n'illustre pas le propos avec une playlist de qualité. C'est vrai, fais passer un message fort. Ouais. Brûler. Ah ouais, mais ça fait. Les lacs du Connemara en boucle toute la journée, que les auditeurs aient envie de crever dans une farandole, quoi, vraiment. Parce que là, pendant les grèves, on te met du Tame Impala, du Disclosure, de l'Étienne Dao, t'es là, ah, c'est sympa cette radio, c'est quoi cette radio? C'est France Inter, ah bon, et ils ont viré Fabrice Zouel. Oh, c'est dommage, j'avais une belle voix de radio. Mais c'est pas grave, hein, tombé pour la France. Non, pas tombé pour la France, le Connemara, toute la journée. Oui, un message fort, parce qu'il y a une radio flamande là, qui va le faire la semaine prochaine, 5 jours d'affilée, ouais. Le Connemara, non-stop. Ouais. Toute la journée, ils veulent battre le record du monde. Mais vraiment, ils veulent battre 5. Me demandez pas pourquoi, franchement, la Belgique, c'est quoi. Mais vraiment. Tu comprends pourquoi t'as perdu la Coupe du Monde? Oui. Je sais pas qui programme les playlists d'Inter, mais ça peut lui donner zier. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume Auguet. La vie originale. Nagui sur France Inter.